la tête plus dure que le parterre. Les autres hommes s'y sont des ratailles et t'as les parterres. On prend le mic et la barre de fer. On monte un niveau, nous ça on sait faire. Puis les petits cons baissent d'un ton. On arrive, on nique tout et on bouge. Nous frères, on n'a pas le temps. Y'a tout à gagner, puis rien à perdre. La danse des skis, c'est deux pas à gauche, un pas à droite. Et ça tire en l'air. On joue pas les fous, nous. On repère les fous, nous. On arrive déterminé au micro, nous. Espèce mimo, on est tous perchés dans les airs. Dans le haram, faut commencer à faire la sarade. On rappe nos vies sur le synthé. Tu ressens la mélancolie. Nous, on rappe nos vies pendant que les acolytes noient leurs soucis dans un lit. C'est pas du rap derrière les anonymes. Du fond d'une ruelle, tu entends nos rimes. En live de la piscine. Wesh les ennemis, j'm'en balais, j'm'en crapille. J'rappe ma vie, sincèrement j'en suis ravi. J'rappe ma vie. En live de la piscine. Wesh les ennemis, j'm'en balais, j'm'en crapille. J'rappe ma vie, et sincèrement j'en suis ravi. J'rappe ma vie. Rentrer au Darmi, ce ne m'a pas fait avancer dans la vie. À part faire pleurer ma femme et ma famille, c'est la Zermi. Je me suis promis qu'à ma sortie, je me mets à l'aérien. Fini, payer vis. Le pif, c'est que je vois ma mère vieillir. Faut que je me prépare à l'avenir. Je vais pas mentir, je vais pas dire que ça tire. Mais j'ai trop de choses à dire. Il y a nous martyr, il veut nous voir partir. Pour rien, ça tire. Hey yo, je viens du ghetto. Fidèle au poste, comme c'est pequeño. Les négros, les rabzas sont des mythos. C'est que du bébo. Hey yo, y'a les bébons. Moi, je viens du béton. Laisse béton, calme ton, qu'est à l'œil ton. À l'œil ton. En live de la piscine. Wesh les ennemis, j'm'en balais, j'm'en crapille. J'rappe ma vie et sincèrement j'en suis ravi. J'rappe ma vie. En live de la piscine. Wesh les ennemis, j'm'en balais, j'm'en crapille. J'rappe ma vie et sincèrement j'en suis ravi. J'rappe ma vie. Sincère, dédicace à la femme mal, comme un carcère.